l'amitié c'est fait de ça, d'être revenu, d'être tout simplement là. L'amitié s'est fait aussi de silences entendus. Car même si l'on ne sait pas tout dire, rien n'est jamais tout à fait fini. Et tout finalement n'est qu'un éternel recommencement.